Premier témoin d'un accident corporel, je dois, dans l'ordre, protéger, secourir, alerter. Réponse A. Alerter, protéger, secourir. Réponse B. Protéger, alerter, secourir. Réponse C. Secourir, alerter, protéger. Réponse D.